Eugène Sue, Kernok le pirate, 13e chapitre. Les deux amis. Une âme si rare et exemplaire ne coûte-t-elle non plus à tuer qu'une âme populaire et inutile? Montaigne. C'est une bonne auberge que l'auberge de l'Ancre d'Or à Plonezoc. Près de la porte s'élèvent deux beaux chênes verts et touffus, qui ombrage des tables de noyer toujours engageantes, tant elles sont soigneusement cirées. Et comme l'encre d'or est placée sur la grande place, il n'y a pas de coup d'œil plus animé, surtout à l'heure du marché, par une belle matinée de juillet. Aussi, deux honnêtes compagnons, deux appréciateurs de cette heureuse localité, avait pris racine devant une de ces tables si luisantes et si polies. Ils causaient de choses et d'autres, et la conversation devait durer depuis longtemps, car un bon nombre de bouteilles vides formaient un imposant et diaphane rempart autour des interlocuteurs. L'un, pouvant bien avoir 60 ans, fort laid, fort bon, fort trapu, avait de larges et longs favoris tout blancs, qui tranchaient d'une manière bizarre avec son teint basané. Il était vêtu d'un vaste habit bleu, grotesquement taillé, d'un large pantalon de toile et d'un gilet d'écarlate, au bluton à ancre, trop court à moins de 6 pouces. Enfin, un immense col de chemise roide et empesée se dressait menaçant bien au-dessus des oreilles de ce personnage. En outre, de larges boucles d'argent brillaient à ses souliers, et un chapeau verni, impertinemment posé sur le côté de sa tête, achevait de lui donner un air crâne et coquet qui contrastait singulièrement avec son âge avancé. Au reste, il était évidemment en toilette, et paraissait gêné dans ses atours. Son ami, d'une mise moins recherchée, paraissait beaucoup plus jeune. Une veste et un pantalon de drap composaient toute sa parure, et une cravate noire, nouée négligemment, permettait de voir son cou nerveux, qui supportait une figure hâlée, mais riante et ouverte. « Vienne la Saint-Saturnin, » dit-il en frappant légèrement le fourneau de sa pipe sur la table pour en faire sortir toute la cendre. « Vienne la Saint-Saturnin, et il y aura 20 ans que l'épervier. » Ici, il ôta sa toque de laine à carreaux rouges et bleus. « Que notre pauvre brick aura mouillé pour la dernière fois dans la baie de Paimpoule, sous le commandement de feu Monsieur Kernok. » Et il soupira en secouant la tête. Comme le temps passe, reprit l'homme au grand col de chemise en avalant un énorme verre d'eau-de-vie. Il me semble que c'est hier, n'est-ce pas, grain de sel? Et je t'appelle toujours grain de sel entre nous parce que tu me l'as permis, mon garçon. Hé, cela me rappelle notre bon temps. Et le vieillard se prit à rire doucement. « Sacre Dieu, ne vous gênez pas, monsieur Durand. Vous êtes un ancien, vous, un ami de ce pauvre monsieur Kernok. » Et il leva encore les yeux au ciel en soupirant. « Que veux-tu, mon garçon, quand vient l'heure de déraper ?» dit monsieur Durand en humant, avec un long sifflement, une goutte de vin qui restait au fond de son verre, vide depuis longtemps. « Quand la camarde nous tient à pic, il faut bien que le câble cède. » C'est ce que je disais toujours à mes malades, à mes calfas, ou à mes canonniers, car tu sais... Oui, oui, je sais, maître Durand, répondit aussitôt Grain de sel, qui tremblait d'entendre l'ex-canonnier chirurgien charpentier de l'épervier recommencer le récit de ses triples exploits. Mais c'est plus fort que moi. Ça me fend le cœur quand je pense qu'il y a encore un an, ce pauvre monsieur Kernok était là-bas dans sa ferme de Tréherel, et que nous fumions tous les soirs une vieille pipe avec lui. C'est vrai, grain de sel, Dieu de Dieu, quel homme! Était-il aimé dans ce canton? Un malheureux matelot lui demandait-il quelque chose? Il l'obtenait à l'instant. Enfin, depuis 20 ans qu'il s'était retiré des affaires pour vivre en bourgeois, il n'y avait qu'une voix sur sa bienfaisance. Et puis, quelle respectable figure lui donnaient ses grands cheveux blancs et son habit marron. Avait-il l'air bonhomme quand il portait sur son dos les petits-enfants du vieux Cerisouette, le canonnier, ou qu'il leur faisait des bateaux de sureau? Seulement moi, je lui faisais toujours un reproche à ce pauvre Kernock, c'était de donner dans la calotte. Ah, parce qu'il était marguillier, bah, c'était pour tuer le temps. Mais avouez tout de même qu'il représentait joliment dans son banc de chêne, avec ses gants blancs et son jabot, le jour de fête de la paroisse de Saint-Jean-du-Doigt. J'aimais mieux le voir sur son banc de quart, une hache à la main et sa corne d'amorce en sautoir, répondit l'ex-canonnier charpentier chirurgien en remplissant son verre. Il y a la procession donc, maître Durand, quand il rendait le pain béni. Se dandinait-il avec son cierge qu'il voulait toujours tenir comme une épée, malgré les leçons de l'enfant de cœur? Mais ce qui désolait surtout monsieur le curé, c'est que le capitaine Kernock chiquait tant qu'à la messe il crachait sur tout le monde. Ça le désolait, ça le désolait. C'est donc pour ça qu'il a embêté mon vieux camarade, pour lui laisser au presbytère 20 arpents de ses meilleurs prés. Ici, Grain de Sel allongea beaucoup la lèvre inférieure en clignotant des yeux, regarda maître Durand de l'air le plus fin, le plus malicieux, le plus narquois, qui lui fut possible d'improviser, en secouant la tête d'un air négatif. « Sacrebleu, je le sais bien !» répéta maître Durand, presque offensé de la pantomime de l'ancien mousse. « Allons, allons, soyez calme, maître Durand, » reprit celui-ci. « Ce n'est pas au curé qu'il a fait cette donation. Ici une pause. Ici l'étonnement de maître Durand se manifesta par l'écarquillement excessif de ses paupières et par l'absorption d'un glorieux verre de vin. « C'est, dit Grain de Sel, c'est à la nièce du curé. Eh, eh. Ah, le vieux farceur !» murmura maître Durand en poussant un éclat de rire tout homérique. « Je ne m'étonne plus s'il était marguillier et s'il rendait le pain béni. » Mais il se laissa aller avec Grain de Sel à des élans de gaieté si bruyants que des chiens qui passaient en aboyèrent. « Ce qu'il y a de vexant, reprit Grain de Sel, c'est que toute la fortune de M. Kernock retourne au gouvernement, et cela parce qu'il n'a pas fait de testament. Il fallait y penser. Fille, qu'est-ce qui pouvait prévoir cet accident-là? Vous l'avez vu, vous, après la chose, n'est-ce pas, monsieur Durand? Car moi, j'étais allé à Saint-Paul. Sûr que je l'ai vu. Figure-toi, mon garçon, qu'on vient me dire. Monsieur Durand, ça sent le brûlé chez monsieur Kernock. Mais un drôle de brûlé. Il était, ma foi, 8 heures du matin, et personne n'osait entrer dans sa chambre. Ils sont si bêtes. J'y entre, moi, mon garçon, et, ah, mon Dieu, tiens, donne-moi à boire. Car ça me fait mal toutes les fois que j'y pense. » Il se remit un peu par un large trait d'eau-de-vie et continua. « J'y entre, et figure-toi que je manque d'être suffoqué en voyant le corps de mon pauvre vieux Kernock tout couvert d'une large flamme bleue qui courait de la tête aux pieds, tout juste comme la flamme du punch. Je m'approchais, je jetais de l'eau. Bah, il brûlait plus fort, car il était à moitié cuit. Grain de Sel pâlit. Ça t'étonne, mon garçon? Eh bien, moi, je m'y attendais. Je l'avais prédit. Prédit? Oui, il buvait trop d'eau de vie. Et je le lui disais toujours. Mon vieux camarade, tu finiras par une concussion instantanée, dit maître Durand avec importance, en appuyant sur chaque mot et en gonflant ses joues. Il voulait dire une combustion instantanée, solution exacte et vraie de la mort de Kernock, donnée par un médecin de Quimper, fort habile homme, qu'on avait mandé un peu tard. « Et ça ne vous fait pas trembler, monsieur Durand ?» dit Grain de Sel, qui voyait avec peine l'ex-canonnier chirurgien charpentier prendre la même direction que son défunt capitaine. « Moi, c'est bien différent, mon garçon. » Je coupe mon eau de vie avec du vin. Et il la buvait pure, le vieux Lascar. Ah, répondit Grain de sel, peu convaincu de la tempérance de M. Durand. Tiens, dit celui-ci, en voilà un qui mourra dans la peau d'un voleur si on ne l'écorche pas tout vif. Et il montrait un grand homme sec et mince, à uniforme bleu, brodé d'argent, qui traversait la place. Que je voudrais être à bord avec ce chien de plique, lui les bras attachés à une échelle de hauban, le dos nu, et moi une bonne garcette à la main. Quand je pense que pour avoir passé par les mains de ce gueux de commissaire, nos parts de prise ont diminué de 9/10, qu'au lieu d'avoir les 60 000 francs qui me font vivre depuis 20 ans, je devrais peut-être avoir 1 million, et que ce pauvre vieux Kernock n'a eu en tout que 200 000 francs sur les tonnes d'argent qui nous revenaient du trois-mâts espagnol. Bah, reprit Grain de sel, un peu plus, un peu moins. J'ai tout de même été bien content de quitter le métier avec ce que j'ai eu, et de pouvoir m'acheter un chasse-marée pour faire le cabotage. Mais c'est depuis que je ne vois plus ce pauvre M. Kernock que quelque chose me manque. À propos, reprit M. Durand, je crois que voici bientôt l'heure du service que nous lui faisons faire à Saint-Jean-du-Doigt, à ce pauvre vieux. Grain de sel tira une montre d'argent, d'au moins 1 pouce d'épaisseur. Vous avez raison, monsieur Durand, il est 10 heures. Puis, allongeant sa montre, attachée avec soin à une longue chaîne d'acier renforcée d'un cordonnet noir. Tenez, la reconnaissez-vous, dit-il au maître. Si je la reconnais. C'est celle que ce pauvre Zélie m'a dit de te remettre le jour du combat de l'épervier contre la corvette. Pauvre Zélie, je le vois encore, me tendant la main et me disant « Tiens, c'est pour Grain de sel. Adieu, vieux, ne me manque pas. Sacrebleu !» dit le vieillard tout ému. « Ça me fait plus de peine en y pensant maintenant que ça ne m'en a fait dans le moment. Pauvre Zélie !» Et la tête de M. Durand retomba dans ses mains cailleuses et ridées. Grain de sel paraissait absorbé par un douloureux souvenir en regardant sa montre. « Ça nous fait 5 litres et une bouteille d'eau-de-vie, » dit l'aubergiste, son bonnet à la main, et inquiet du séjour prolongé des deux marins. « Paye-toi là-dessus, » dit Grain de sel en lui jetant une pièce d'or. Et donnant le bras au vieux Durand, il gagna avec lui la chapelle de Saint-Jean-du-Doigt.